On est-tu le 31 octobre? Non. On est le 14 novembre. Et il y a plein de zombies dans l'actualité ce matin. Notre chum Carrera de la prostitution juvénile qui est venu essayer de nous faire broyer pendant une demi-heure ici à Radio X hier. Lui, c'est le champion du monde 2012 de la bullshit. C'est carrément lui. Mais un autre de nos copains qui revient nous hanter aujourd'hui. Puis lui, j'étais sûr qu'il était mort. Moi, on m'a tellement dit longtemps qu'à partir du moment où il partait en avion, il allait se faire tirer dans le front. Léon Mugesera est pas mort! Ben, il est maltraité, là. Ouais, c'est attention, là. Il se fait maltraiter en prison. Ça laisse pas propre dans sa cellule. Non, il est maltraité. Mais, son procès est sur le bord de commencer. Ouais. Mais des moutons de poussière dans le coin de sa cellule pis qui aiment pas sa nourriture, là. On est loin de la balle dans le front qu'il était supposé recevoir à seconde vrai, où il allait sortir de l'avion. La minute qu'il débarquait de l'avion, lui, c'était la balle dans le front. Pas malin! Il était condamné à mort. Puis quand est-ce qu'il était retourné là-bas, là? Fait quoi? Fait quasiment un an qu'il est retourné, lui. Janvier 2012, Jérôme. Hey, ça fait un an. Bon, ça fait 10 mois. Il est encore en vie, Léon Mugesera. Et c'est ça, là, il a reçu des menaces de mort. Oui. Il mange de la nourriture avariée. Ben, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. On n'a pas vu les photos, là. On n'a pas vu les repas non plus. Pis... quand j'aimais pas le macaroni à la viande que maman faisait, ouais. Moi aussi, je le trouvais avarié. Mais il était pas avarié. On disait ça. C'est de la vache! Il est pourri, ton macaroni! On t'a niaiseux de même, là. S'il mange de la viande avariée, là, sérieux, là, il doit être malade en sacrement. Parce que quand tu manges de la viande avariée, d'un, tu peux mourir. Oui. Mais... si tu meurs pas, t'es vraiment malade, la viande avariée, là. Mais il est pas tuable, Léon Mugesera. Il a survécu à sa sortie d'avion, puis là, il mange de la viande avariée, puis il passe à travers. Mais là, c'est un solide, ça. Il y a personne qui a dit que c'était drôle d'être en prison, par exemple. C'est juste qu'eux autres, ils tablaient sur le fait qu'il allait recevoir une balle dans la tête, puis que sa vie était menacée, puis... C'est pas ça qui est arrivé, là. Pas ça vraiment... Je fouille dans le sac de sympathie à matin. J'ai rien trouvé pour Carrera. Je trouve rien pour Mugesera non plus. Ah non plus. Hein. Non.